À Memphis, et plus précisément sur le domaine de Graceland, on peut trouver de nombreux livres sur Elvis. Chaque facette de sa vie est décortiquée, son histoire, sa musique, ses films, ses voitures et même ses recettes de cuisine. Mon attention est attirée par un livre qui semble différent des autres. Il s'appelle « Le colonel Parker, l'homme dans l'ombre d'Elvis ». Il est signé par la journaliste Alana Nash. On peut y découvrir l'histoire nébuleuse du manager d'Elvis et les rapports parfois difficiles que les deux hommes entretenaient. Visiblement, les fans d'Elvis n'apprécient pas beaucoup Parker. Et je demande à George Klein, l'ami d'enfance d'Elvis, s'il comprend pourquoi. Sure, I understand why. Oh oui, je comprends pourquoi. Le colonel a fait 90% de bonnes choses et 10% de mauvaises. Mais ils ouvraient le chemin, aucune règle n'existait, c'était des aventuriers dans ce domaine. Alors forcément, il y a eu des erreurs. Mais la plus grosse, ça a été de ne pas autoriser Elvis à aller en Europe. Et toujours selon George Klein, le colonel, même s'il était l'agent d'Elvis, n'avait aucun sens artistique. Le problème, c'est que le colonel n'était pas capable de sentir si une chanson ou un film était bon ou pas. Il n'avait aucun talent artistique. Colonel Parker had no artistic talent whatsoever. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah, I got stung by the sweet honey bee. What a feeling to come over me. It started in my eyes, crept up to my head, polluted my heart. Well, I was stung, did I run? Les fans d'Elvis considèrent aussi que le colonel l'a trop fait travailler, surtout les dernières années, qu'il l'a épuisé et qu'il est responsable de sa déchéance. L'un d'entre eux, Jackie Chalard, tente quand même de relativiser les choses. Il y a toujours un bon, un méchant dans une histoire. Alors bon, si c'est Parker qui doit avoir le rôle du méchant, mais tenir une rancune à Parker, ben, il est pas mort à cause de Parker, de toute façon. Parker, c'est un personnage de la tragédie grecque que peut être la vie d'Elvis, quoi. Bon, c'est tout. Maintenant, chacun en fait le trait ou le bon mec qu'il était. Tom Parker, en bon businessman, avait notamment réussi un joli coup pour Elvis en janvier 73. Le faire chanter à Hawaï devant 6000 personnes, mais surtout devant 1,5 milliard de téléspectateurs dans le monde entier, grâce à une diffusion par satellite. Voici l'un des titres qu'Elvis chanta dans ce concert historique, Burning Love.